Curiosité.net d'Octave Mirbeau, conte grand 2. Illustration musicale, Haydn, variation en fa mineur. Licence Musopen. Lecteur, Alain Bernard. La chambre close. Grand 1. J'ouvris les yeux et je regardai autour de moi. Un homme était penché sur mon lit. Près de l'homme, une femme coiffée d'un bonnet à grandes ailes blanches tenait entre ses mains des compresses humides. La chambre vibrait, claire et simple, avec ses murs tapissés d'un papier gris pâle à fleurettes roses. Sur une table recouverte d'une grosse serviette de toile écrue, je remarquai divers objets inconnus, des rangées de fioles et un vase de terre brune plein de morceaux de glace. Par la fenêtre entr'ouverte, l'air entrait, gonflant comme une voile les rideaux de mousseline, et j'apercevais un pan de ciel bleu, des cimes d'arbres, toutes verdoyantes et fleuries, se balançant doucement dans la brise. Où donc étais-je? Il me sembla que je sortais d'un long rêve, que j'avais, pendant des années, vécu dans le vague et, pour ainsi dire, dans la mort. Je ne me souvenais de rien. J'avais le cerveau vide, les membres brisés, la chair meurtrie, la pensée inerte. J'entendais par moments comme des cloches qui auraient tinté au loin, et puis, soudain, on eût dit que des vols de bourdons m'emplissaient les oreilles de leur ronflement sonore. L'homme souleva ma tête avec des mouvements doux, me fit boire quelques gorgées d'un breuvage que j'avalai avidement. Eh bien, monsieur Fernel, me dit-il, comment vous trouvez-vous? Un quoi? M'écriai-je. Où suis-je? Vous êtes chez moi, mon bon monsieur Fernel, répondit l'homme. Chez moi. Allons, ajouta-t-il, en replaçant ma tête sur l'oreiller, tranquillisez-vous. On vous soigne bien. Je fixai les yeux, longtemps, sur celui qui me parlait ainsi. Et tout à coup, je reconnus le docteur Bertram, le célèbre médecin aliéniste de Dublin. Un frisson me secoua le corps. Pourquoi donc me trouvais-je chez le docteur Bertram, et non pas dans ma villa de Phoenix Park, au milieu de mes livres, de mes herbiers, de mes microscopes? On vous soigne bien, me disait-il. J'étais donc malade? Je fis des efforts surhumains pour me rappeler, pour comprendre, pour pénétrer le mystère qui m'avait jeté là, dans une maison de fous, car le docteur Bertram, je m'en souvenais maintenant, dirigeait un hospice d'aliénés. Et cette chambre, cette religieuse, ces fioles, ces morceaux de glace, il n'y avait plus à douter. J'étais fou, fou, fou, moi, un brave homme, moi, un savant, membre de plusieurs académies. Mais pourquoi? Mais comment? Je demandai. Depuis combien de temps suis-je ici? Depuis un mois, mon bon monsieur Fernel. Depuis un mois. Voyons, ne vous découvrez pas. Reposez-vous là, comme ça, et surtout ne parlez plus. Et le docteur, ayant rebordé mon lit, se frotta les mains et il sourit. Le bourreau. Sans doute il se réjouissait de mon malheur. Sans doute j'étais plus fou qu'aucun des fous qu'il avait soigné jusqu'ici. Et c'est pour cela qu'il se frottait les mains. Depuis un mois. Était-ce possible? Depuis un mois? Que s'était-il donc passé? En vain, je cherchais à dissiper la nuit qui pesait sur mon cerveau. La nuit était épaisse, obstinée. Pas une lumière n'apparaissait, pas une ombre ne se levait sur ces ténèbres. Pourquoi le docteur me défendait-il de parler? Pourquoi causait-il tout bas avec la religieuse? Peu à peu, je sentis que je défaillais, que je m'endormais. Et je vis, dans un paysage convulsé, une route couverte de sang et bordée de monstrueux microscopes en guise d'arbre, une route sur laquelle deux petites filles jouaient à la balle avec une tête coupée, tandis que le docteur Bertram, comiquement coiffé d'une cornette de religieuse, enfourchait un cadavre tout nu qui sautait à petits bonds, se cabrait, poussait des ruades. Thank you. Deuxième partie. Le lendemain, j'allais beaucoup mieux. Je n'éprouvais plus qu'une sensation de vague, délicieux et de grande fatigue. Avez-vous quelquefois, la nuit, dormi dans un wagon? Les secousses de la voiture et la dureté des coussins vous ont moulu les reins et les épaules. Malgré le plaid dont vous êtes chaudement enveloppé, un froid, un petit froid exquis, fait courir sur tout votre corps des frissons légers comme des caresses. Vous dormez, bercé par le roulement orchestral du train qui vous apporte sans cesse des airs connus, des musiques préférées, et vous avez la perception physique et, pour ainsi dire, la tangibilité corporelle de ce sommeil. Et oui, vous le touchez, ce sommeil, et c'est une des plus complètes, des plus étranges jouissances que l'homme puisse goûter. Que de fois ai-je passé des nuits en wagon, sans but de voyage, rien que pour y dormir ainsi. Aux arrêts dans les gares, tous les bruits du dehors, la sonnerie du télégraphe, le clac-clac rythmique du graisseur, les pas des hommes d'équipe sur le quai, d'une voix qui s'éloigne, brusquement coupée par la fermeture des portières, la cloche, la machine qui halète et soufflée par la course, tout cela vous arrive multiplié par le silence, rendu plus net par la nuit. Mais ces bruits nets et pourtant brouillés, proche et pourtant lointain, clair et pourtant assourdi, n'éveille pas dans votre esprit l'idée d'un travail, d'une fonction, n'évoque ni la forme de l'être, ni celle de l'objet qui les ont produits. Ainsi de moi dans mon lit, avec mes souvenirs qui, peu à peu, revenaient, mais vagues, confus, insaisissables, je les entendais distinctement, et je ne les voyais pas. Ou si je les voyais, ce n'étaient que des apparences fugitives de fantômes, des formes évanouies de spectres. Et tout cela grimacé, tournoyé, incohérent, sans suite, sans liaison, comme dans un cauchemar. Vers le soir, le docteur, que je n'avais pas vu de la journée, s'assit près de mon lit. « Allons, allons, » dit-il en me tâtant le pouls. « Tout va bien, et vous en serez quitte pour la peur, mon bon monsieur Fernel. Je puis vous avouer cela maintenant que vous êtes sauvé. » Jamais je ne vis plus beau cas de congestion cérébrale. Non, en vérité, jamais de plus beau cas. Que vous soyez vivant, c'est à ne pas croire. Dites-moi, et la mémoire, revient-elle un peu? Je ne sais pas, répondis-je découragé. Je ne sais rien, rien. Je cherche. Mon Dieu, je vous parle de cela parce qu'il vous est échappé des choses dans votre délire, des choses véritablement bizarres. Savez-vous qu'on vous a trouvé dans la rue, évanoui, à demi vêtu? Je ne sais rien. Je ne trouve rien, docteur. Écoutez-moi, j'ai passé par quelque chose d'effroyable. Quoi? Ah, voilà ce qui est affreux, je ne pourrais vous le dire. Mais, à des souvenirs qui me reviennent, j'ai la sensation d'avoir été mort. Oui, docteur, d'avoir été tué. Là-bas, dans une chambre. Il y avait un lit, et puis, je ne sais plus rien. Ai-je rêvé? Suis-je le jouet de la fièvre? C'est bien possible, après tout. Pourtant, non. Aidez-moi, je cherche depuis ce matin. Hélas, mon cerveau est faible encore, ma mémoire ébranlée par la mystérieuse secousse. Ne suis-je pas fou? Je me sens mieux, cependant. Les bourdonnements ont cessé. On dirait que j'ai, en tous mes membres, un grand bien-être, comme une lassitude de bonheur. Mais ce cadavre! Cet enfant blonde et la tête qui roula sur le plancher. Oui, elle roula. Mon Dieu, je ne sais plus. Le docteur m'interrogea, il me raconta ce que j'avais dit, les mots que j'avais prononcés dans la fièvre. Je l'écoutais avidement. À mesure qu'il parlait, un voile se levait lentement devant mes yeux et, chose étonnante, je voyais tout, tout, avec une admirable lucidité. Mon agitation était telle que le docteur, à ce moment, me tâta le pouls et me dit « Peut-être vaut-il mieux que je vous laisse reposer. Je crains que cette émotion ne vous fatigue. Nous causerons si bien demain. » « Non, docteur, » m'écriai-je. « À l'instant, il le faut. C'est cela, je me souviens, c'est bien cela. Attendez seulement que je mette de l'ordre. Oui, je ne me trompe plus. Je ne rêve pas. Écoutez. Troisième partie. Voici exactement rapporté le récit que je fis alors au docteur Bertram et plus tard au magistrat. Vous connaissez ma passion pour l'histoire naturelle. Il ne se passe pas de semaine que je n'herborise dans la campagne, autour de la ville. Ce jour-là, j'allais à Glasnevin, où, comme vous le savez, se trouvent des prairies marécageuses. J'étais assuré d'y faire ample moisson de plantes curieuses, d'affusoir et de diatomées. Je puis même vous confier que j'ai découvert des espèces rares sur lesquelles je compte présenter à la Botanic Society un travail qui fera, je crois, sensation. Mais ceci est une autre affaire. Donc, ma trousse en bandoulière et ma boîte pleine de trésors, je revenais gaiement par la route quand, aux portes du Blin, j'aperçus une jolie fille de 5 à 6 ans, toute seule, qui pleurait. Je m'approchai d'elle, mais à ma vue, l'enfant redoubla de cris. Je compris que la pauvre petite s'était égarée et qu'elle ne pouvait retrouver son chemin. Sa voix avait des plaintes comme celles des jeunes chiens qui crient aux perdus dans les plaines la nuit. Je me fis très doux, l'amadouai avec des promesses de joujoux et de gâteaux. En continuant de pleurer, elle me dit que sa bonne l'avait abandonnée, qu'elle s'appelait Lizzie et qu'elle demeurait près de Beresford Place, dans Lower Abbey Street. Je la pris par la main et, déjà causant comme de bons amis, nous voilà partis. La jolie enfant, docteur, toute rose, avec de grands yeux candides et des cheveux blonds qui, coupés courts sur le front, s'éparpillaient de dessous son large chapeau en longues boucles dorées sur les épaules. Elle trottinait gentiment, se collant à moi, sa petite main douce serrant ma grosse patte rugueuse. Quelle pitié! Lizzie, chemin faisant, me raconta beaucoup d'histoires naïves, où il était question d'un grand cheval, d'un petit couteau, d'une poupée, d'une pelle de bois et d'une quantité de gens que je ne connaissais pas. Puis, tout à coup, sa jolie figure devint grave. Elle me dit qu'en rentrant, elle serait grondée par sa mère et mise au cachot noir. Je la rassurai de mon mieux, et pour la calmer tout à fait, je lui achetai une belle poupée avec laquelle l'enfant aussitôt entama une conversation. Oui, madame. N'est-ce pas, madame? Certainement, madame. Mon Dieu, est-ce possible? Lizzie ne fut pas grondée et moi je fus accueilli, Dieu sait avec quel transport, par la mère qui déjà pleurait la perte de son enfant. On me fêta, on m'embrassa. Jamais, je crois, la reconnaissance s'exprima avec plus d'enthousiasme. Qui j'étais, où je demeurais, ce que je faisais, on voulut tout savoir. Et c'était à chacune de mes réponses des exclamations de joie attendries. Oui, monsieur Fernal, me dit la mère, vous êtes le sauveur de ma fille. Comment pourrais-je vous exprimer jamais ma gratitude? Nous sommes pas riches, et d'ailleurs, ce n'est pas avec l'argent qu'on peut payer un tel service. Non, non. Disposez de nous, mon mari et moi sommes à vous, à la vie, à la mort. J'avoue que ces protestations me gênaient un peu, car mon action était en somme toute naturelle, et j'avais conscience de n'avoir accompli là rien d'héroïque. Mais le bonheur d'avoir retrouvé une enfant qu'on a cru perdue, excuse, chez une mère, ces exagérations de sentiments. D'ailleurs, l'intérieur de cette maison était si décent, si calme. Il dénotait une vie si honnête, si unie. Il avait un si pénétrant parfum de bon ménage que, moi-même, très ému, je me laissais aller à la douceur de me sentir pour quelque chose dans les joies de ces braves gens. La mère reprit. Comme mon mari sera heureux de vous répéter tout ce que je vous dis, monsieur, et mieux que je ne vous le dis, assurément. Il est encore à son bureau. Mon Dieu, s'il avait su, lui qui aime tant notre Lizzie. Je l'avais pas averti, ah non, il en serait devenu malade. Puis elle ajouta timidement. Voyons, monsieur, après nous avoir procuré une si grande joie, voudriez-vous nous accorder un grand bonheur? Mais je n'ose en vérité, ce serait d'accepter demain notre modeste dîner. Ah, je vous en prie, ne nous refusez pas. Demain, il nous arrive un savant comme vous, avec qui vous aurez plaisir à causer, j'en suis certaine. Et puis mon mari sera si heureux, si fier. Décidé à compléter ma bonne action, je n'osais refuser et je pris congé. Je revins le lendemain à l'heure fixée. Vous pensez bien qu'après les protestations de la mère, je dus subir les protestations du père, lesquelles furent aussi chaleureuses. La petite Lizzie me sauta au cou et me prodigua toutes ses câlineries, toutes ses tendresses d'enfant rieuse. J'étais vraiment de la famille. Le dîner fut gai, le savant annoncé me parut intéressant. Bref, je passai une excellente soirée. Quatrième partie. L'atmosphère avait été lourde pendant toute la journée, et le soir, un orage terrible se déclara. Les coups de tonnerre se succédaient sans interruption. La pluie tombait, torrentielle. Était-ce aussi l'effet de l'orage, de la chaleur suffocante, ou des vins que nous avions bu? Je me sentais à la tête une violente douleur. Je respirais difficilement. Je voulus partir quand même, car il se faisait tard, et je demeurais loin, mais on insista pour me garder. C'était de la folie que de m'exposer, souffrant, à une tempête pareille. La mère pria, supplia avec tant de bonne grâce, que force me fut de passer la nuit dans cette maison hospitalière. On me conduisit en grande pompe à ma chambre, et l'on me souhaita bonne nuit. Je me souviens même que Lizzie s'étant endormie dans les bras de son père, j'embrassai sa petite joue pâlie par le sommeil et son bras potelé qui pendait. Assez seul, je commençai de me déshabiller, lentement, en flânant, comme il arrive toujours dans les endroits où l'on se trouve pour la première fois. J'étouffai dans cette chambre. Avant de me mettre au lit, je voulus respirer un peu d'air du dehors, et malgré l'orage qui grondait, j'essayai d'ouvrir la fenêtre. C'était une fausse fenêtre. « Tiens, me dis-je, un peu étonné. » L'idée me vint de soulever la trappe de la cheminée. Fausse cheminée. Je courus à la porte. La porte était verrouillée. La peur me prit, et retenant mon souffle, j'écoutai. La maison tranquille semblait dormir. Alors j'inspectai la chambre, minutieusement, dressant l'oreille au moindre bruit suspect. Près du lit, sur le plancher, je remarquai des taches. C'était du sang. Du sang séché et noirâtre. Je frissonnai. Une sueur glacée me monta au visage. Du sang. Pourquoi du sang? Et je compris qu'une mare de sang avait dû s'étaler là, car le parquet, à cette place, sur une grande largeur, avait été fraîchement lavé et gratté. Tout à coup, je poussai un cri. Sous le lit, j'avais aperçu un homme, allongé, immobile, raide ainsi qu'une statue renversée. Crier, appeler, je ne pouvais pas. De mes mains tremblantes, je touchai l'homme. L'homme ne bougea pas. De mes mains tremblantes, je secouai l'homme. L'homme ne bougea pas. De mes mains tremblantes, je saisis l'homme par les pieds et l'attirai. L'homme était mort. La gorge avait été coupée nettement, d'un seul coup, par un rasoir, et la tête tenait plus au tronc que par un mince ligament. Je crus que j'allais devenir fou. Et il fallait prendre un parti. D'une minute à l'autre, l'assassin pouvait venir. Je soulevai le cadavre pour le placer sur le lit. Dans un faux mouvement que je fis, la tête lilique se renversa, oscilla pendant quelque temps, hideux pendule, et, détaché du tronc, roula sur le plancher avec un bruit sourd. À grand-peine, je pus introduire le tronc décapité entre les draps. Je ramassai la tête que je disposais sur l'oreiller comme celle d'un homme endormi. Et Ayant soufflé la bougie, je me glissai sous le lit. Mais tout cela machinalement, sans obéir à une idée de défense ou de salut. C'était l'instinct qui agissait en moi, et non l'intelligence, et non la réflexion. Mes dents claquaient. J'avais aux mains une humidité grasse. Je sentais quelque chose de glissant et de mou se coller à ma chemise, sur ma poitrine. Toute la décomposition de ce mort m'enveloppait de sa puanteur. Un liquide gluant mouillait ma barbe et s'y coagulait. J'eus l'impression d'être couché vivant dans un charnier. Je demeurai ainsi, en cette épouvante. Combien de minutes, combien d'heures, de mois, d'années, de siècles, je n'en sais rien. J'avais perdu la notion du temps, du milieu. Tout était silencieux. Du dehors, le bruit de l'orage et les sifflements du vent m'arrivaient assourdis et douloureux, pareils à des râles. Chose extraordinaire, ma pensée ne me représentait pas du tout l'assassin qui allait venir, qui était là peut-être. En cette horreur où j'étais, je ne revoyais que la petite Lizzie, rose, blonde et candide, avec sa poupée et son grand chapeau. Je le revoyais dormant sous les bras de son père. De temps en temps, elle soulevait légèrement la paupière et découvrait son œil, qui m'apparaissait alors effronté, implacable, cruel, assassin. On ouvrit la porte, mais si doucement qu'on eût dit un grattement de souris. Je dus me mordre les lèvres jusqu'au sang pour ne pas crier. Maintenant, un homme marchait, à pas glissés, avec d'infinies précautions, pour ne point heurter violemment les meubles. Il me semblait que je voyais des mains tâtonnantes se poser partout, chercher mes vêtements, les fouiller, et les pas se rapprochaient de moi, m'effleurer. Je sentis que l'homme s'était penché sur le lit et qu'il frappait à grands coups. Puis, je n'entendis plus rien. Quand je repris connaissance, la chambre était redevenue silencieuse. Mais l'effroi me retenait cloué à cette place. Pourtant, je me décidai à sortir. Avec quelle prudence, vous ne pouvez pas vous imaginer. À tâtons, je gagnai la porte qui n'avait pas été refermée. Pas un souffle, pas un bruit. Frôlant les murs, je m'engageai dans le corridor. Je m'attendais à voir soudain une tête surgir, menaçante. Dans l'obscurité, un couteau brillait dans la nuit, mais rien. La bête, gavée de meurtre, dormait dans son repaire. Je descendis l'escalier, tirai le verrou de la porte et défaillant les veines glacées, je m'abattis dans le ruisseau de la rue déserte. Le docteur Bertram avait très attentivement écouté mon récit. « Et c'est là qu'on vous a retrouvé, mon monsieur Firnel. Et dans quel état, mon Dieu? Pourriez-vous reconnaître la maison ?» « Oui, lui répondis-je, mais à quoi bon ?»« Eh bien, guérissez-vous, et nous irons ensemble chez vos assassins. » 8 jours après, le docteur et moi, nous nous engagions dans le Lower Abbey Street. Je reconnus la terrible maison. Tous les volets étaient mis aux fenêtres. Au-dessus de la porte, un écriteau se balançait, alloué. Je m'informai auprès d'une voisine. « Ils sont partis il y a 15 jours, me dit-elle. « C'est grand dommage pour le quartier. » Car c'était de bien braves gens. La chanson de Carmen. Conte à la manière d'Edgar Poe. Dieu m'est témoin que je suis un brave homme, de mœurs douces et même d'une excessive sensibilité. Je pleure facilement sur les malheurs d'autrui, et toutes les douleurs humaines éveillent douloureusement ma compassion. Je ne puis voir un pauvre sans lui donner ma bourse. J'ai doté des orphelines, établi des jeunes gens méritants, nourri des vieillards, fondé des hospices. J'ai prêché la vertu à des prostituées, le renoncement à des riches. J'ai ramené au bien et au repentir des misérables qui, un soir, au détour d'un chemin, avaient voulu m'assommer à coups de hache. Partout où j'ai rencontré une blessure, je l'ai pansée et je l'ai guérie. Et bien des fois, descendu dans la nuit, l'hygiène sociale, J'ai porté au moribond la résignation, l'espérance au désespéré. Bien des fois, j'ai changé en cris de joie les lamentations farouches de ces damnés. Ma pitié et ma bienfaisance s'étendent jusque sur les animaux pour lesquels j'éprouve des tendresses presque humaines. Le jour que mon petit chien mourut, je tombai malade. J'eus de terribles crises de nerfs, et le médecin qui me soignait désespéra de me sauver. Je n'ai jamais permis qu'on chassât sur mes terres, et jamais, jamais je n'ai chassé, car cette idée que j'aurais pu, délibérément et de sang-froid, arracher la vie à un être quelconque, me semblait impossible et monstrueuse. Je veille sur les nids bâtis aux hautes branches des arbres ou dans les fentes des vieux murs, et je protège contre les maraudeurs les couvées de perdreaux éparses dans les luzernes et dans les blés. Suis-je une brute inconsciente, livrée au despotisme de l'instinct, vouée au fatalisme de la perversité, un fou que le sang attire comme des lèvres de femme et qui se rue au meurtre comme on se rue à l'amour? Non, mille fois non! Je vous ai dit que j'étais sensible et bon. Je suis aussi ce qu'on appelle un délicat. J'aime et je comprends toutes les mystérieuses beautés de l'art et de la nature, et nul ne ressent plus vivement que moi les sublimes jouissances qu'elles donnent. J'ai la passion de la philosophie et de la science, qui vont cherchant l'inconnu du cœur de l'homme et le pourquoi des lois de la vie. Et les vers, et la musique, et les grands horizons baignés de vapeurs blondes, et les soirs rouges, et les nuits blanches, et les soleils qui s'enfoncent dans la mer glorieuse, font naître en moi d'étranges enthousiasmes, et m'emportent en des extases où ma pensée ravie plane dans l'universelle beauté, dans l'universelle harmonie des choses. Je crois en Dieu, au Dieu qui récompense, et au Dieu qui châtie, au Dieu qui verse sur nous les parfums de l'amour éternel, au Dieu qui pour nous allume les flammes du bûcher expiateur. Alors pourquoi ? Pourquoi ai-je commis ce crime horrible? Pourquoi ai-je tué, avec ce raffinement de calme férocité? Oui, pourquoi ai-je tué un être inoffensif qui m'aimait, que j'aimais? Car je l'aimais, la pauvre et douce victime. Et pourtant je l'ai tué, lâchement. Je l'ai tué pendant que, près de moi, elle dormait. Et pendant que, près de moi, en ses songes bienheureux, peut-être mon image lui apparaissait, et qu'elle lui souriait tendrement, près de moi. Ce crime, ce monstrueux et abominable crime, que depuis deux lentes éternelles années je traîne comme un carcan, ce crime qui me torture la chair et me ronge le cœur, je vais vous le dire. Et vous frissonnerez tant de l'entendre, et vous aurez tant d'horreur de le savoir que, ah, je l'espère, oh, je vous en supplie, vous me dénoncerez, vous me livrerez à la justice, vous me conduirez à la guillotine. Car vous le voyez bien, il faut que je meure. La mort seule peut me délivrer de mes épouvantes. Seul mon sang que versera le bourreau peut apaiser mes remords et laver dans son bain lustral mon âme couverte d'immondes souillures. J'aimais Carmen, une enfant de 18 ans à peine. Je l'avais un soir rencontrée, vêtue de haillons, qui se mourait de faim et de misère sur la grande route. Elle était jolie, mince et fine, toute pâle, avec de grands yeux cernés par la souffrance. Elle était orpheline et faible. Personne ne s'intéressait à elle. Elle était douce et triste. De méchantes gens l'avaient battue. Alors elle était partie loin, bien loin, s'arrêtant la nuit dans les villages et dans les fermes, demandant pour manger l'aumône quelquefois, et quelquefois ramassant au bord du chemin les pommes pourries tombées des arbres. Elle marchait ainsi depuis 8 jours. Vers quel pays? Elle ne le savait pas, n'en connaissait aucun. L'enfant me raconta tout cela en pleurant. Je fus ému et je pleurais avec elle. Qu'allait-elle devenir seule ainsi, dans la vie? Le vice et le crime cheminent dans la campagne, s'embusquent derrière les talus, se tapissent dans l'ombre des bois, et la mort rôde partout. En ce moment, un vol sinistre de corbeaux tournoya dans le ciel gris et glacé. J'eus peur, et je me dis que le bon Dieu sans doute l'avait mise là, tout exprès pour moi. Je l'emportai. Riche, je pouvais bien me payer ce luxe d'une bonne action. Deux mois après, j'épousai Carmen. Dans le pays, où déjà je passais pour un homme étrange, maniaque, ce mariage fut considéré comme un acte de pure démence, et ma réputation de fou s'établit définitivement. En me voyant, les gens entre eux se disaient, un peu tremblants, « Le fou, voilà le fou !» Hélas, que ne disait-il vrai ? Heureux, certes, je l'étais. Carmen se montrait pleine de tendresse, la plus aimante et la plus dévouée et la plus docile des femmes. Elle me craignait comme un maître et m'adorait comme un dieu. Je m'entrepris de lui faire une éducation en rapport avec son nouvel état, car, vous devez le penser, n'ayant vécu qu'avec des paysans, ses manières étaient celles des paysans, et elle ne savait rien que garder les oies et chanter des chansons apprises en liant des gerbes de blé en compagnie des moissonneurs et dans la salle commune de la ferme durant les veillées d'hiver. Mais si son cœur était bon, la nuit la plus obstinée régnait en son cerveau. Les choses les plus simples, elle ne les comprenait pas, en dépit de ses prodigieux efforts et de son ardent désir de me plaire et de m'obéir. Je dus renoncer à orner l'esprit de Carmen des notions les plus élémentaires, et j'en ressentis un vrai chagrin. Elle ne comprenait qu'une chose, la pauvrette, c'est qu'elle m'aimait. Et elle s'ingéniait à m'en donner des preuves par sa soumission aveugle et ses allures rampantes et craintives de jeune chien. Et puis, elle chantait. Elle chantait en s'habillant, en mangeant, en se promenant, en m'embrassant, qu'elle fût triste ou gaie. Elle chantait tout le jour. Ce qu'elle chantait, la fatale et maudite chanson, c'était une vieille romance larmoyante et tendre, pareille à celle que les aveugles nazis dans les rues. Et sa voix alors prenait une intonation dolente et uniforme, enflant les mots, appuyant indéfiniment sur les syllabes. Cela m'agaçait beaucoup. La chanson de Carmen avait pris toute ma vie. Elle hantait mes lectures, mes rêveries, mes travaux, mes prières. Elle s'était blottie au fond de mon cerveau et l'emplissait de son bruit stupide et tremblé. Elle avait chassé de mon existence studieuse et réfléchie tout ce qui, autrement, faisait ma joie et mon orgueil. Je ne pouvais plus lire, je ne pouvais plus écrire, je ne pouvais plus penser. J'essayais de fuir cette obsession. Durant des journées entières, je courais à travers les champs, dans la forêt, le long de la rivière, chantant moi-même pour étouffer l'abominable refrain qui me poursuivait. Mais ni les champs, ni la forêt, ni la rivière, ni ma voix elle-même ne purent me délivrer de l'herbosie. Je le retrouvais partout. Les chants le murmuraient. Il était dans les roulades des fauvettes, dans le bruissement des feuilles, dans la plainte du vent. La rivière le portait sur ses lentes eaux, et les bergers conduisant les troupeaux, et les bœufs couchés dans la prairie, redisaient la chanson, l'épouvantable, la suppliciante chanson de Carmen. Pauvre petite Carmen, elle ignorait ses tortures. À quoi bon ? Je n'avais pas voulu lui faire la moindre observation, dans la crainte de lui causer de la peine. Et elle continuait de chanter, pensant que sa voix m'était douce. Un jour cependant, à bout de patience, je la priai de se taire. Elle parut très étonnée, pleura longtemps, et promit que plus jamais elle ne chanterait. L'habitude était si forte chez elle, cette chanson faisait si bien partie de son être, que souvent, s'oubliant tout d'un coup, elle se reprenait à chanter. La voix se taisait, et je m'apercevais au remuement de ses lèvres qu'elle continuait intérieurement, l'air commencé à haute voix, malgré elle, et comme poussée par une force invisible. Enfin, elle ne chanta plus, mais ses lèvres toujours remuaient. Ce qui obsédait mes oreilles, obséda mes yeux. Et il arriva cette chose effrayante, je n'entendais plus la chanson, mais je la voyais. Je la voyais distinctement, nettement, implacablement. De même qu'autrefois, tous les objets me renvoyaient sa voix, de même maintenant, tous les objets me renvoyaient sa forme terrifiante de fantôme. 6 années, 6 siècles, 6 années de ce tourment diabolique passèrent ainsi. Ma santé s'altérait visiblement. Mon intelligence s'ébranlait. Je n'avais plus de goût à rien et tout m'était insupportable. J'avais délaissé mes études. Je devenais sombre, inquiet, comme une bête sauvage prisonnière, et souvent tombais en proie à des colères terribles et à de bizarres hallucinations. Je m'en allais à la mort, et c'était pour moi une grande consolation de penser que je serais bientôt délivré du cauchemar qui pesait sur ma vie. Une nuit, Carmen, près de moi, dormait paisiblement. Ah, qu'elle était jolie, avec son maigre, fin et triste visage, sa bouche entr'ouverte, où passait un souffle léger et régulier, et son bras nu, replié sous sa tête. Je la regardais, et doucement je jouais avec ses longs cheveux noirs dénoués qui ruisselaient sur l'oreiller. La veilleuse éclairait Carmen d'une pâle lueur rose, et soudain, dans le silence de la chambre, une voix s'élève. La chanson. La chanson. Oui, c'est elle, c'est bien elle qui est revenue. La voilà, je l'entends, la maudite, la criminelle chanson. Elle s'échappe des lèvres endormies de Carmen. Un flot de sang me monte au cerveau. Un frisson me secoue le corps. Je lève le bras, comme pour frapper. Au-dessus de moi, dans l'alcôve, un lourd crucifix d'argent massif est accroché. Je le saisis nerveusement, mais sa chanson s'est tue. Je n'entends plus que la respiration de Carmen. Combien de temps suis-je resté ainsi, penché sur la pauvre femme, haletant, suffoquant, le crucifix levé, prêt à frapper? Je n'en sais rien. La pendule tinta des heures et des heures. Oh, elle ne m'échappera plus cette fois, la chanson, me disais-je. Et je la guettais au coin des lèvres de Carmen, comme un bandit guette au coin d'un bois le voyageur qui va passer. Et j'étais irrité qu'elle demeurât muette et qu'elle n'apparût pas. Ah ah, enfin je la tiens, la voilà. À peine s'est-elle montrée que, brandissant le crucifix à deux mains, de toute la hauteur de mes bras, je le laisse retomber lourdement sur la tête de Carmen. Oh, oh, cela fait un bruit sourd. Oh, oh, pas un cri, pas une plainte. Quelques contractions tordent les membres de Carmen. Ses petites mains ont battu l'air, se sont accrochées au drap du lit. Puis, elle s'est raidie et n'a plus bougé. C'est tout. La chanson est morte. Je le croyais. Hélas, Carmen est morte. L'innocente et plaintive Carmen. Mais la chanson est plus vivante que jamais, plus impitoyable que jamais, plus torturante que jamais. De l'âme de Carmen, elle est entrée dans mon âme. Elle ne me quitte plus. Je la chante maintenant. Je la chante toujours. Et je ne peux pas ne pas la chanter. J'ai voyagé. Elle m'a suivi. Je me suis jeté dans la débauche. Elle m'a suivi. Je me suis perdu dans la foule. Elle m'a suivi. Elle est partout où je suis. Elle est en moi, comme ma chair et comme mon sang. Oh, vous aurez pitié de moi et, je l'espère, vous me dénoncerez. Vous me livrerez à la justice. Vous me conduirez à la guillotine, car la mort, la bienfaisante mort, pourra seule me sauver de ce diable, de ce spectre, de ce remords, de cette vengeance de Dieu. La chanson de Carmen. Troisième conte, intitulé « Les eaux muettes ». Jean Donard et Pierre Carruon embarquaient et les filaient dans la chaloupe, amarrée au quai, près de la cale, quand s'englantaient les débris de poissons fraîchement éventrés. Tout était en mouvement dans le petit port de Saint-Guénolé, près de Bresse, en Bretagne. Au bruit de leurs lourds sabots, à tiges de toile bise, les marins dévalaient par groupes, le dos courbé sous le poids de leurs filets. D'autres bras dessus, bras dessous, sortaient des débits de boissons, chancelant et chantant. Les mousses nettoyaient les bateaux, prêts à prendre la mer, et l'on voyait déjà quelques embarcations filer doucement sur l'eau que battaient les grands avirons, pareils à des vols de goélands, longs et bas. On était au plus fort de la pêche du maquereau. « Allons, dépêchons !» dit Jean Denard, en continuant de dévider les filets que Pierre Carruon disposait symétriquement au fond de la chaloupe. Mais Pierre Carruon s'arrêta, et sans regarder son compagnon, « Jean Donard, dit-il d'une voix qui tremblait un peu, tu ferais bien de ne pas sortir aujourd'hui, tu ferais bien. Jean Donard haussa les épaules, haussa ses larges épaules, et ne répondit pas. « Jean Donard, reprit le marin, je te dis que tu ferais bien de ne pas sortir aujourd'hui. M'entends-tu? Je te dis que tu ferais bien. » Donard regarda le ciel au-dessus de lui, puis là-bas, la mer, qui par-delà, une mince bande de terre, s'étendait immense et profonde. Le ciel était sans un nuage, la mer brillait sous le soleil, sans un frisson. Et il dit, « Ah, c'est, n'est-ce pas, avec vous autres, tas de fainéants, c'est toujours la même chanson. Es-tu le patron, hein? Alors tais-toi, ivrogne. » « Comme tu voudras, » reprit Kerion d'une voix sourde, « mais écoute-moi bien. L'année dernière, Jacques Pengadec est sorti aussi, par un beau temps comme celui-là, et il n'est pas revenu. Comme tu voudras, Jean Donard. » Jean Donard allait répondre quand les sept marins et le mousse, qui formaient le reste de son équipage, apparurent sur la cale, portant leurs capotes de toile cirée et leurs paniers d'osier. En un clin d'œil, hommes et filets furent embarqués. La chaloupe démarrait. On hissa les voiles, dont les drisses crièrent sinistrement au long des mâts. Et debout, près de la barre, Jean Donard, grave et sombre, se signa, comme il avait coutume de le faire chaque fois qu'il partait vers le large. Jean Donard avait 60 ans. Haut et droit, il était d'une force peu commune et redouté des jeunes gens. Son visage sans barbe, cuit à tous les soleils, gercé à toutes les tempêtes, semblait de vieux cuir. Ses mains énormes et brunies semblaient de vieux chênes. On eût dit que son regard, triste et lointain, comme le regard des hommes qui ont longtemps vécu sur la mer ou dans des solitudes immenses, gardé comme un reflet de l'infini. Malgré les dangers de cette rude existence du pêcheur, malgré les privations journalières et les épuisantes fatigues, à peine si on eût pu compter 3 ou 4 poils blancs dans la chevelure épaisse qui garnissait ses tempes sous le béret bleu très aplati sur le crâne. Ce vieillard passait pour le meilleur pêcheur et le plus intrépide marin de la côte. Cette côte tragique de Penmac, creusée de gouffres où la mer éternellement mugit, hérissée de rocs noirs sur lesquels les vagues brisent et tordent leur écume blanche de colère. Quand la brise était mauvaise et la mer lourde, alors que tous les pêcheurs restaient à terre, promenant leur paresse et leur souris de cabaret en cabaret, et qu'on apprenait qu'une chaloupe avait quitté le port, on pouvait être certain que c'était celle de Jean Donard. Il affrontait tous les temps, bravait toutes les mers, et prétendait que la mer et lui se connaissaient trop depuis longtemps pour se faire des méchancetés. Et il s'en allait, souvent, à 15 lieues au large, découvrant les passes les plus poissonneuses, jetant sa drague dans des fonds connus de lui seul, naviguant ainsi quelquefois durant plusieurs jours et plusieurs nuits. Il fallait le voir, debout à la barre, sa figure sombre frappée par les embruns, enlever sa chaloupe qui se cabrait sur la houle. À ce rude métier, il avait gagné une petite fortune. Sa maison était propre, bien tenue. Elle tranchait avec la blancheur gaie de sa façade et le luisant de ses meubles sur les taudis immondes où d'ordinaire croupissent dans la fange et dans la vermine les marins bretons. On l'admirait parce qu'il était peut-être plus brave que les autres, qu'il se trouvait toujours là, le premier, pour sauver un camarade en détresse. Mais on ne l'aimait pas. Les pêcheurs ne pouvaient lui pardonner ces pêches heureuses qu'il étalait au retour sur les cales, avec une sorte de complaisance provocante. Ils ne pouvaient lui pardonner aussi son bien-être, ses belles vareuses, et son linge bien blanc des dimanches, et ce respect, et cette supériorité qui s'imposait à eux malgré eux. Et puis, on le disait dur au pauvre monde, et très avare. En effet, on ne l'avait jamais vu se fourvoyer dans ses camaraderies des débits de boissons, commencer par les tournées des petits verres et finissant par les risques sanglants. Cette folie furieuse et inguérissable de l'alcool qui parfois fait ressembler les marins à des brutes déchaînées. Son équipage surtout le détestait, à cause du travail dont il le tuait, de la discipline sévère qu'il exigeait à bord, de son excessive âpreté dans le partage des pêches, laquelle, souvent, chaque fois qu'il en trouvait l'occasion, tournait à de vulgaires carottages. Sans qu'il parût ou voulût s'en douter, une haine sourde grondait autour de Jean de Nard, soigneusement attisée par ce Pierre Carion qui l'accusait de s'entendre avec les marieurs pour le voler et l'exploiter et pour grossir injustement sa part à lui. Et Carion, un gros homme à face de bête méchante et lâche, eût fait déjà un mauvais parti à son patron s'il n'avait été retenu par la crainte de cette force et l'implacabilité de ce courage. La chaloupe avait marché bon train. Elle se trouvait alors dans les parages de l'île de Saint, mais le vent tout à coup était tombé. Le soir venait, sous les derniers rayons du soleil qui traînait à sa surface, immobile, comme un voile de gaz rose, la mer silencieuse et calme semblait s'assoupir. Dans le lointain, un steamer à peine visible apparaissait, striant le ciel de nuages de vapeurs légères et grises. De place en place, en cette immensité délicieuse, quelques bateaux de pêche, pareils à des oiseaux noirs, étaient coquettement posés sur les flots, et la côte se noyait avec la mer et le ciel dans une brume éclatante. Jean de Nard, toujours assis à la barre, n'avait pas adressé une seule fois la parole à son équipage. Il ne parlait jamais que pour commander. Ses hommes dormaient, couchés sur les filets. À l'avant, le petit Mousse préparait le bois pour la soupe de poisson. « Mais nous dérivons, » dit Jean de Nard. « Il n'y a plus de vent dans la toile. Allons, amène les voiles et souque sur les avirons. » Aucun ne bougea. « Eh bien, m'a-t-on entendu ?» cria le patron d'une voix tonnante. Alors Pierre Carion se leva lentement, regarda ses compagnons d'un œil louche et s'adressant à Donard. « Jean de Nard, » dit-il, « tu aurais mieux fait de ne pas sortir aujourd'hui. Tu aurais mieux fait. » Le patron s'était levé à son tour, frémissant de colère. Carion reprit. « Jean de Nard, te souviens-tu de Jacques Pengadec, qui était sorti lui aussi et qui n'est jamais revenu ? Veux-tu faire ce que je te dis, vilain cancre ? Non, Jean de Nard, ni moi, ni personne ici. Tu entends ?» Et Carion se croisa les bras et regarda de Nard, menaçant. Jean de Nard s'était subitement radouci. Non qu'il trembla, mais il voulait savoir quelle pensée de révolte s'allumait dans ce cerveau de brute. « Voyons, Pierre Carion, dit-il presque amicalement, es-tu devenu fou ? Pourquoi refuses-tu de m'obéir ? Pourquoi ? Demanda le misérable en laissant traîner ses mots lentement. « Pourquoi ? Tu le sais bien, Jean de Nard. C'est parce que tu nous embêtes, parce que tu nous voles, parce que tes maisons... Tu les bâtis, tes beaux habits, tu les achètes avec notre argent, parce que nous sommes là de trimer pour toi et qu'il faut que tu nous payes d'un coup ce que tu nous as pris, parce que comme Pengadec, tu ne reviendras pas et que tu vas mourir, Jean de Nard. » À ces derniers mots, Jean de Nard, que la fureur étouffait, se précipita sur Carion et, d'un coup de poing, l'envoya rouler au fond de la chaloupe. Mais aussitôt, 16 bras le saisirent, l'enlacèrent, l'étranglèrent, lui déchirant la poitrine, lui fracassant la tête contre les mâts. « Allô, allô !» hurlait Carion. Le malheureux résistait, se cramponnait aux filets, aux avirons, à tout ce que sa main rencontrait. « Allô !» répétait Carion. Alors, perdant ses forces, tout meurtri et tout sanguinolent, il se sentit enlever par-dessus le bordage et son corps tomba dans la mer, lourdement. Le Mousse, épouvanté, poussa un cri et s'évanouit. Le soleil avait disparu derrière la ligne d'horizon, ne laissant plus au ciel qu'une faible lueur rougeâtre. L'ombre, peu à peu, se faisait solennelle et terrible, et l'on n'apercevait plus rien que l'eau blanchissant par endroits, comme un suaire, et la lumière des phares qui saignaient funèbrement sur la mer. Les hommes courbés sur les avirons ramaient de toute la vigueur de leurs bras et la chaloupe fuyait. Père Carion était assis à la barre. On se consultait sur ce qu'on devait faire. « Il faut noyer le Mousse, » dit Carion. « Il parlera et nous sommes perdus. » Une voix faible qui semblait sortir de l'ombre et courir sur le clatement de la mer arrivait jusqu'au bateau. « Père Carion, Père Carion !» Et Carion commanda. Guillaume empoigne le Mousse. Et à l'eau, jette-le à l'eau. La chaloupe fuyait et la voix appelait toujours Pierre Carion, Pierre Carion. Et Carion commanda de nouveau Toi, Joseph, prends la gaffe, et si le vieux aborde, un bon coup sur la tête. Tu m'as compris ? La voix se rapprochait et devenait plus distincte. Pierre Quirion, Pierre Quirion ! La nuit était à présent toute noire. Quirion ne voyait pas Jean Donnard, mais il entendait la voix, si près de lui qu'il crut que son souffle l'effleurait. Il frissonna. Pierre Quirion, écoute-moi, tu m'as tué, tu as bien agi, je me suis mal conduit avec toi, je m'en repens. Et puis je suis vieux, j'ai fait mon temps, tu m'as tué, c'est bien. Mais le petit Mousse, lui, il ne t'a rien fait, le pauvre enfant. Laisse-le vivre, il ne parlera pas. Dis, mon petit Yvon, tu ne diras rien, jamais, jamais, promets-le-moi. Tu vois bien, Quirion, il est si mignon, et ça te porterait malheur. Au nom de la Sainte Vierge, je te supplie. Pendant que la voix parlait, Quirion entendait derrière lui un bruit étrange, comme le bruit d'une bête qui aurait gratté. Au nom de la Sainte Vierge Marie, Quirion se détourna tout tremblant et il vit une main, une grosse main, la main de Jean Donnard qui se cramponnait au gouvernail, pareil à un crabe. Il saisit la barre et la brandit en l'air. « Allons, Guillaume, s'écria-t-il, à toi le petit !» La barre retomba. On entendit en même temps un effroyable juron, puis la chute d'un corps dans la mer. La brise soudain fraîchit. La chaloupe s'enfonça rapidement dans la nuit, disparut, et les eaux redevinrent tranquilles et muettes, étoilées seulement par les lumières pâles des falots de pêche qui dansaient sur leurs bougies de liège. Quatrième conte, Gavinard. Alexandre de Gavinard, le grand financier que tout Paris a connu, travaillait en son cabinet. D'une plume sereine et sans remords, il rédigeait, en face de son portrait peint par Carolus Durand, le septième rapport qu'il devait présenter, le jour même, à la septième société de crédit dont il était l'inévitable président. Il s'agissait, comme bien vous pensez, de mettre dedans une quantité incalculable d'actionnaires et Alexandre Gavinard, Gavinard comme on l'appelait, se trouvait très en verve. À plusieurs reprises, il s'était frotté joyeusement les mains, ce qui, chez lui, ne pouvait passer pour une satisfaction banale. Joseph, le valet de chambre, entra, présenta à son maître un plateau de vieux lacs japonais, au centre duquel une carte de visite se pavanait. Armand de Gavinard, dit le grand financier, après avoir tourné et retourné la carte. Armand de Gavinard, tiens, tiens, c'est assez curieux. Connais pas de Gavinard ? Tiens, tiens. Et qui est-ce ce Gavinard ? Comment est-il ce Gavinard ? Carolus Durand, 1837-1917, était un portraitiste à la mode. Un chasseur d'Afrique, répondit très correctement le valet de chambre. Un chasseur d'Afrique, Gavinard, ah, par exemple, c'est trop fort. Est-ce que j'aurai de la famille maintenant ? Voilà une chose qui serait bien parisienne. Faites entrer. Et Alexandre de Gavinard, sans le moindre trouble, se mit à terminer la phrase que l'entrée du valet de chambre avait malencontreusement interrompue. Quelques instants après, la porte s'ouvrait. Joseph annonça « Monsieur Armand de Gavinard ». Monsieur Armand de Gavinard était bien réellement un chasseur d'Afrique, ainsi que l'avait péremptoirement démontré Joseph. Un beau chasseur d'Afrique même, les cheveux coupés en brosse, l'œil brillant, le teint chaud, la moustache fine, très noire, et relevée en croc au-dessus des lèvres épaisses et rouges, la taille souple, la charpente solide, un air enfin de jeunesse avenante et de force exercée, tel était M. Armand de Gavinard. Le bonnet à la main, le sourire sur les lèvres, il salua le grand financier avec une aisance aimable et digne. « Monsieur, dit-il, je vous demande pardon si je vous dérange, mais ce que j'ai à vous dire est très important et ne souffre pas de retard. » Le grand financier fit un geste qui évidemment signifiait « Parlez, monsieur !» Le chasseur d'Afrique continua. « Monsieur, je viens vous apprendre que je suis votre fils et, par conséquent, que vous êtes mon père. » S'il avait eu quelque peu de lettres, Alexandre de Gavinard eût pu se rappeler ce qui advint à La Fontaine en des circonstances analogues et dire comme lui « Vous êtes mon fils ? Enchanté de voir, monsieur. Donnez-vous donc la peine de vous asseoir. » Il se contenta de se renverser sur son fauteuil et de se croiser les mains sur son ventre, qu'il avait très gros. Le chasseur d'Afrique, nullement décontenancé, reprit. « Voici la chose. Marie Rebassu, ma mère. Marie Rebassu est morte, il y a 2 mois environ. Avant de mourir, dans des lettres qu'elle m'écrivit, et que j'ai là sur moi, elle voulut bien me révéler le secret de sa naissance. Tout y est, monsieur. Vous verrez, depuis A jusqu'à Z. Il en se résulte que je suis votre fils et que vous avez pris mon nom, comme cela, sans savoir, interrompit le grand financier. Dame, naturellement. Mon Dieu, monsieur, c'est peut-être beaucoup de précipitation. Car enfin, Marie Lebassu, madame votre mère, était certainement une femme charmante. Mais je vous demande pardon de ce détail. Et à ma connaissance, pendant notre liaison, elle avait 6 amants, sans compter le hasard, qui est un grand maître, que vous ne l'ignorez point. Et vous avouez en ces conditions. Enfin, monsieur, s'écria le chasseur d'Afrique, êtes-vous mon père, oui ou non? Monsieur, je vous donne ma parole d'honneur que je n'en sais rien. Il n'importe d'ailleurs, puisque vous semblez tant désirer être mon fils. Je ne vois à cela aucun inconvénient. De cette façon, je pourrais imaginer que j'ai de la famille, chose qui ne m'est jamais arrivée depuis que j'existe. Asseyez-vous, monsieur, je vous prie. Alexandre de Gavinard sonna et le valet de chambre apparut. Joseph, dit-il, en montrant le chasseur d'Afrique, il paraît que monsieur est mon fils. Je vous prie dorénavant de le traiter comme tel. Vous préparerez l'appartement second que je lui destine, et vous aurez soin de faire venir aujourd'hui même les fournisseurs, car j'imagine que sa garde-robe est mince, et monsieur ne peut vraiment pas se promener dans Paris tout le temps en chasseur d'Afrique. C'est entendu, hein? Allez! Puis, se tournant vers Armand de Gavinard, abasourdi par ces façons étranges auxquelles celui-ci ne s'attendait pas, il lui demanda « À part votre métier de soldat, savez-vous quelque chose ?»« Rien du tout, » répondit Armand. « Très bien, parfait. Dites-moi, montez-vous à cheval ?»« Ah, ça par exemple, admirablement. Tirez-vous l'épée ? J'étais prévôt au régiment. » « Avez-vous des scrupules d'éducation, des délicatesses de conscience, des préjugés d'honnêteté ?» Armand ouvrit de grands yeux étonnés. « Non, n'est-ce pas ?» continua le grand financier. « C'est au mieux. Avec cela que votre beauté banale et vos allures grossières doivent plaire aux femmes. »« Eh bien, monsieur, rappelez-vous qu'il y a en vous toutes les qualités qu'il faut à un ambitieux adroit pour conquérir la première place dans la société parisienne. Si vous savez les mettre en jeu, un peu de réclame et donc vous arriverez où vous voudrez. Maintenant, laissez-moi, car j'ai un travail à terminer. » Au bout de 2 ans, Armand de Gavinard était devenu l'un des jeunes gens les plus à la mode de Paris. Il était d'un club coté, d'une écurie presque célèbre. On le citait partout et en toutes occasions. Soit qu'il galopât son cob irlandais le matin au bois, soit qu'il menât son attelage russe l'après-midi dans l'allée des Acacias, soit qu'il apparut le soir dans une avant-scène de théâtre, en compagnie d'une jolie fille, dans un salon recherché où, les nuits de bal costumées, ses fantaisies étaient fort appréciées et du plus haut renom. Il eut même cette bonne fortune d'inventer à plusieurs reprises un de ces vocables essentiellement parisiens que la mode consacre pendant quelques mois et qui reçoivent toujours l'accueil le plus enthousiaste au souper du duc de Rameau, dans les petits hôtels de la rue Prony et les journaux mandats. Il eut surtout des amours retentissantes, des duels fameux, et jusqu'à des aventures louches de tripots et de femmes qui laissent traîner derrière leur héros une sorte de respect mystérieux, d'admiration inquiète, et les classe définitivement au premier rang des élégances incontestées. Enfin, il arriva que Mademoiselle Irma de Rungsberg, fille naturelle de feu le vieux baron de Rungsberg, dont elle avait hérité une fortune de 2 millions de francs, s'est pris d'Armance et déclara qu'elle voulait l'épouser. Pendant ce temps, le père Gavinard payait, sans un reproche, sans une hésitation même, les dettes de son fils. Et chaque fois qu'il le rencontrait chez une actrice, dans le monde ou ailleurs, il se montrait avec lui d'une correction et d'une politesse charmante. Un matin, Alexandre de Gavinard fit prier son fils de vouloir bien venir lui parler en son cabinet. « Monsieur, lui dit-il, j'ai appris que vous ameniez souvent des femmes à l'hôtel. Il ne manque point d'endroit pourtant où recevoir pareille visite. Je vous serai obligé, monsieur, d'y mettre bon ordre à l'avenir. » « Mon Dieu, monsieur, répondit Armand, qui jouait d'une façon gracieuse avec sa canne, j'avais cru pouvoir me permettre ces innocentes fantaisies, car très souvent la nuit, dans votre propre hôtel, j'ai rencontré la Gretschy, mademoiselle Verdurette, et la petite Héloïse Bonpin. Ces dames ne venaient certainement pas pour moi, je ne suppose pas qu'elles fussent là pour vous, votre cocher. » Le grand financier sourit légèrement, fit un geste de négation timide et dit « Enfin, monsieur, vous ferez comme il vous plaît. C'est d'ailleurs pas pour cette chose futile que je vous ai prié de venir. Nous avons à causer sérieusement. Monsieur, je vous écoute. » « Monsieur, dit Alexandre de Gavinard, en balançant dans sa main un joli couteau d'ivoire, je suis ruiné, radicalement ruiné, aussi ruiné qu'un homme peut l'être. Comment ? Pourquoi ? Ça ne vous intéresserait guère, j'imagine, si je vous contais par le menu cette triste histoire. Ce qui vous intéresse, c'est le fait en lui-même. Et il est malheureusement que trop vrai. Je vous engage donc, monsieur, à ne plus compter sur moi désormais et à chercher votre existence tout seul et de la façon qui vous paraîtra la meilleure. Je dois vous dire que votre situation ne me préoccupe pas beaucoup, car vous avez montré jusqu'ici une grande intelligence de la vie et vous saurez vous tirer d'affaire sans moi. Eh, monsieur, s'écria Armand, vous en parlez très à votre aise. Voilà, je vous assure, une désagréable nouvelle, et qui précisément tombe le plus mal du monde. Vous n'ignorez point que je dois épouser mademoiselle Irma de Rumsberg. C'est vraiment pas si, après votre crack, l'affaire sera encore possible. Ce n'est point le fait que vous soyez ruiné qui me gêne. C'est la conséquence morale de votre crack qui m'épouvante. Il doit y avoir là-dedans beaucoup de choses fâcheuses et qui ne sont pas faites pour donner de la considération, ni pour inspirer confiance. Réfléchissez un peu. Et voyez si vous ne pouvez retarder l'événement de quelques semaines. Vous me rendriez un vrai service et qui sait, peut-être, vous en rendriez-vous un à vous-même. Vos observations sont fort justes, monsieur, répondit Alexandre de Gavinard. Je verrai. Un mois après, on célébrait à Saint-Pierre-de-Chaillot le mariage de mademoiselle Irma de Rumsberg avec M. Armand de Gavinard. Ce fut un événement parisien du plus haut chic. Les gazettes vantèrent, sur le mode pindarique, la richesse de la mariée, l'élégance entraînante du marié, l'extraordinaire probité, l'inépuisable bienfaisance et les soins et les goûts artistiques d'Alexandre Gavinard. À cette occasion, l'hôtel du grand banquier fut passé en revue de la cave au grenier. Et pas un bibelot ne fut omis, en oubliant cette nomenclature, ni un cheval, ni un tableau, ni un domestique. Le lendemain de la cérémonie, qui avait attiré à l'église tous les divers mondes de Paris, Alexandre de Gavinard se présentait chez son fils. « Voyons, monsieur, lui dit-il, tout espoir n'est pas encore complètement perdu. Et si vous voulez m'aider, je puis éviter la faillite et relever mon affaire. » « Vous plaisantez, monsieur, je pense, » répondit froidement Armand en humant une cigarette. « Comment ? En vous ruinant, vous me frustrez d'une grosse fortune qui m'appartenait, qui devait m'appartenir un jour ou l'autre. Et vous venez me prier de vous prêter de l'argent, par surcroît. Il fallait ne pas vous ruiner, la chose était simple. » Il se leva et dit en prenant congé. « Mais pardon, monsieur, mais on m'attend. » Gavinard était devenu tout pâle. Pour la première fois de sa vie, une émotion le serrait à la gorge. Il s'écria, tendant les bras, supplié. « Armand, voyons, Armand, mon fils !» Armand ne put réprimer un sourire de pitié. « Votre fils, dit-il, en exécutant une pirouette définitive et gracieuse. En vérité, monsieur, sais-je seulement si vous êtes mon père.